Saguenay de Chicoutimi débute leur série ce soir à Moncton contre les Wildcats et on rejoint à Moncton l'instructeur-chef et directeur général des Saguenay de Chicoutimi, Yannick Jean. Bonjour Yannick. Yannick, bonjour. Est-ce qu'on est confiant du côté des Sags à quelques heures du début des séries? Il y a quelques observateurs, j'ai lu pas mal, à pas mettre les Wildcats gagnants, mais il y en a quand même qui, il y a certains qui prétendent que vous pouvez causer une bonne surprise. Ben, regardez, on va pas aussi loin que ça. La philosophie et l'approche qu'on a, c'est d'y aller un match à la fois. Maintenant, on va tout donner pour le match numéro un, puis ensuite de ça, on verra là, pour le futur. Par contre, on veut pas avoir l'approche de se mettre une pression supplémentaire sur les épaules. Moncton a toute la pression, on n'a pas le choix de gagner cette série-là. Donc, nous, on va essayer de jouer les troubles de fête. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on est confiant de la manière qu'on a terminé la saison. Ça nous donne une bonne dose de confiance d'avoir joué contre des bonnes équipes et avoir eu du succès contre des bonnes équipes. On dit que dans les séries éliminatoires, ça prend un gardien de but. Il faut aussi d'admettre que de ce temps-ci, vous avez un gardien de but qui est hot, là, qui garde les filets, en fait, comme on a toujours prétendu qu'il serait. Olivier Biot était toujours considéré comme un bon prospect. Il était même dans le programme canadien depuis fort longtemps. Puis là, il garde. On dirait qu'il est arrivé, là. Julio, c'est un gardien de but d'expérience. Ouais. C'est sa troisième année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Souvent, à 18 ans, les gardiens qui sont arrivés à 16 ans, en deuxième moitié, ils ont une progression là marquée. Donc, pour nous, c'est positif dans le cas de Julio. Puis, on va voir cela en tant qu'équipe. À l'aube là, de ce premier match. Si on parlait maintenant de Gabriel Paquin-Boudreau, il n'a pas joué pour pratiquement, je pense que c'est 6 matchs qu'il a joué, je pense, dans l'année. Jusqu'à quel point qu'il peut quand même aider les Sags? Il n'est pas un game shape, comme on dit. Là. Ça prend combien de temps, Ça fait quelques semaines, ça fait plus d'un mois qu'il patine déjà. C'est soumis à un entraînement rigoureux, mais par contre, t'as le bon terme quand tu dis là, game shape. On va y aller progressivement dans son camp. On va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir nous donner de période en période. On va analyser ça, s'asseoir en chaque période pour bien doser son énergie, puis en espérant qu'il va pouvoir là, marquer des gros buts, faire de gros jeux pour nous là, dans cette série-là. C'est en plein le type de joueur qu'on a besoin là, pour compléter les fins. Les Wildcats de Moncton, on a fait le grand état, ils sont favoris, mais le fait qu'ils jouent dans une division quand même assez faible, je pense que c'est quoi? Dave Ensley en parlait, je pense que c'est 40. La plupart de leurs victoires, c'est contre des équipes des Maritimes. Est-ce qu'ils représentent vraiment leur fiche? Parce qu'il y a une division maritime. Je pense que c'est manquer de respect envers le fait que les Wildcats se sont battus jusqu'à la toute fin de la saison régulière pour le championnat de la Ligue de parler de ça. Moi, je me bats contre une équipe qui a quand même amassé 97 points au classement général à toutes les fois dans n'importe quelle ligue. Lorsque tu es capable de ramasser 97 points, c'est toute une saison. Puis, faut respecter ce que les Wildcats ont réussi à accomplir. Connor Garland, c'est le gros joueur avec Batsaev. C'est les deux gros joueurs qu'il faut surveiller, hein? C'est deux éléments extrêmement importants dans leur équipe, sauf que lorsque tu finis pas premier en termes de buts marqués dans la Ligue, c'était pas une contribution de tout le monde. Puis c'est pas juste ces deux joueurs-là là, qui sont capables d'apporter de l'attaque là, dans ce club-là. Il y en a d'autres aussi là, à avoir. Yannick, je veux te poser une question parce que c'est quand t'es quand même le directeur général des Saguenayens. Je sais pas si tu as vu l'article sur le site de Radio-Canada hier qui disait avec fiche à l'appui, qui disait que la glace olympique pouvait nuire aux Saguenayens. Là, il arrivait avec des tableaux, il se compte moins de buts à Chicoutimi depuis 2002 comparativement aux autres arénas. Est-ce que c'est... J'en parlais avec Serge Gémont, puis Serge Gémont disait que c'est difficile de trouver des bons joueurs à jouer sur cette glace olympique-là. C'est pas tout le monde, là. Est-ce que ça devient difficile pour un directeur général de trouver les bons outils pour jouer sur cette glace olympique-là? Bien, difficile. Je sais pas si ça devient plus difficile, mais c'est un facteur qu'il faut garder en tête. Je pense que c'est se mettre la tête dans le sable et jouer à l'autruche de dire que jouer sur la glace olympique, c'est comme sur n'importe quelle glace. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Il faut recruter en conséquence, sauf que Tout le monde veut des bons joueurs, des gros joueurs qui ont du talent, lecture de jeu. Il faut trouver les bons joueurs qui vont être capables là, de jouer sur cette OK. patinoire-là. Puis c'est pas nécessairement facile, là. Ouais, c'est pas tout Non. le monde, là. Ben, Yannick, on va te souhaiter la meilleure des chances, et on se reparle à la fin de la série. L'instructeur-chef Merci. et directeur général des SAG, Yannick Jean.